L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Leluerne. Dixième et dernier épisode. J'avais 60 ans. J'étais commissaire, grand-père, et les choses avaient commencé à disparaître de ma vie. D'abord des souvenirs, puis mon arme, le beau-père de Linda, ma fille, Akan von Henke, ancien officier de marine, et quelques jours plus tard sa femme, Louise. J'avais décidé de mener ma propre enquête parallèlement à la police de Stockholm et au service secret. J'avais découvert que Akan avait été au cœur d'une histoire de sous-marins russes dans les eaux territoriales suédoises en pleine guerre froide. Espionnage, contre-espionnage. Quand la police de Stockholm m'avait annoncé la découverte du cadavre de Louise dans une forêt et que Linda m'avait dit avoir aperçu son beau-père dans les rues de Copenhague, je commençais à me demander si on ne s'était pas trompé depuis le début. Et si c'était Louise le personnage central de toute cette affaire ? Il ne restait plus qu'à poser la question à Akan, que j'avais localisé sur l'île où tout avait commencé. Jamais je n'aurais imaginé dans ma jeunesse que ma vie serait ainsi à 60 ans. Regarder à l'aube le brouillard se lever sur la campagne, dans une maison à moi que j'aurais repeinte et dont j'aurais réparé le toit. Avoir une fille qui aurait le même boulot que moi et qui le ferait mieux que moi. Avoir une petite fille, louer un bateau pour slalomer entre les îles infestées de récifs et de secrets. Bonjour. C'est vous qui avez appelé pour le hors-bord ? Oui, c'est moi. Voilà. Tout petit, comme vous l'avez demandé. Vous pourrez facilement le manier à la rame. Vous pensez partir loin ? Non, ce soir tout sera terminé. Et ça va aller pour la manœuvre ? Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Ils sont là. D'accord, vous ne menez pas quelqu'un. Aucun risque, Sten. De toute façon, si je devais investir, je ferais rien sans t'avoir demandé ton avis. C'est de la location. Allez, grimpe. C'est parti. T'as fait vite. Ah, quand tu m'as dit c'est passé un truc... J'ai immédiatement compris de quoi il s'agissait. Je voulais pas en parler au téléphone. Il est mort ou vivant ? Vivant. Il se cache sur une île, au large de Firouden, là où vit Skillenberg, le gamin de la photo avec le chalutier. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Une petite cabane pour chasser les oiseaux de mer et pour disparaître. La cabane se trouve juste derrière ces rochers. On va attendre ici qu'il fasse nuit. Pourquoi avoir loué un bateau ? Je t'aurais prêté le mien. Je veux pas prendre le risque que Akan puisse le reconnaître. Celui-ci est beaucoup plus discret. Quand est-ce que tu vas m'en dire plus, hein ? Comment as-tu retrouvé Akan ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Quand j'étais petit, mon père m'emmenait toujours faire des ricochets. J'ai gardé l'habitude de chercher toujours les meilleures pierres, les galets les plus plats, les plus lisses. Exactement comme ceux-là, tiens. Ils sont parfaits. De quoi tu parles ? Tu te souviens l'autre jour quand on a évoqué l'existence d'une taupe au sein de la défense suédoise ? Un espion qui n'aurait jamais été démasqué. C'était Louise. Elle travaillait pour les Russes. Non mais c'est pas possible. Et pourtant ? Non, j'en crois pas un mot. T'as des preuves de ce que t'avances ? La police a retrouvé sur elle des documents confidentiels. Akan était impliqué ? Il s'apprêtait à la dénoncer. C'est pour ça qu'il a choisi de disparaître. J'ai besoin de ton aide pour le faire revenir. ramer jusque là-bas. Il faut pas qu'ils nous entendent arriver. Il y a de la lumière dans le cabanon. Il serait là, alors? Incroyable. Sous notre nez depuis le début. Je vais entrer seul. Je veux que tu te tiennes sous la fenêtre et que tu écoutes attentivement tout ce qui se dira dans cette pièce. Il me faut un témoin, tu comprends? Mais si Hakan sait que tu es là, il dira rien. Ok, compris. Prends ça. Oh, mais je fais pas de ça, moi, pas de fusil. C'est le fusil de chasse de mon père, pas un missile. T'es un ancien militaire, oui ou non? On a besoin d'une arme face à Hakan? Dis-toi que c'est un réflexe de vieux flic. Partir avec me met mal à l'aise, mais partir sans me met encore plus mal à l'aise. Passe par là, il vaut mieux qu'on se sépare. Je prends ce chemin. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites là? Je veux vous parler. J'ai une alarme. Je viens de passer 10 minutes à essayer de savoir qui avait accosté. Vous voulez que je ferme la fenêtre? Non, non. Il fait chaud. Je suis pas vraiment surpris qu'on m'ait trouvé. Mais je ne pensais pas que ce serait vous. Vous êtes venu seul? Oui. Quelqu'un sait que vous êtes là? Personne. Pas même Linda? Surtout pas Linda. Comment êtes-vous arrivé? Avec un petit hors-bord par l'autre côté de l'île. À mon tour de poser des questions, j'en ai pas mal moi aussi. Comment ont réagi les gens? Hans, comment va-t-il? Il a été vraiment bouleversé. Et je ne vous parle pas de sa réaction quand il a appris pour Signe. Vous lui avez dit? Moi, je n'ai rien dit à cause de Louise. Elle n'a jamais réussi à l'accepter. Signe n'existait tout simplement pas pour elle. Et moi, je lui avais juré de garder le secret. Je ne pouvais pas rompre ma promesse. Est-ce que vous vous rendez compte de l'angoisse extrême à laquelle vous avez exposé votre fils et ma fille? Quand ils sauront que vous avez disparu volontairement, ils vous en voudront terriblement. Je me sentais menacé. Je sais, ça n'a pas échappé à Linda. Pourquoi avoir choisi de lui en parler à elle et pas à votre meilleur ami, par exemple, Sten Northlander ou Steve Atkins? J'avais honte de leur dévoiler ma misère. Vous mentez. Ce jour-là, vous lui avez fait des confidences en espérant qu'elle me les répéterait, à moi, le flic plouc de province qui vous aiderait à manipuler tout le monde. Et vous ne vous êtes pas trompé. Ma fille a le même caractère que moi. Et le nez aussi fin. Mais qu'est-ce que vous racontez? Et Louise, vous ne vous inquiétez pas de savoir comment elle va? Ah non, bien sûr que non. Vous savez, n'est-ce pas? Je ne sais même pas comment elle faisait. Est-ce qu'elle photographiait mes documents? Est-ce qu'elle les recopiait? Est-ce qu'elle les mémorisait? Et surtout, comment se procurait-elle les autres infos? Le peu que j'ai eu dans ma petite armoire ne pouvait pas lui suffire. Vous voyez, vous mentez encore. Mais... vous étiez au courant de ce qu'il prévoyait de faire. Vous n'avez jamais eu le moindre soupçon sur Louise. C'est elle qui avait compris. Et c'est ce qui l'a conduite à la mort. Elle est morte pour éviter que votre trahison à vous ne soit révélée. C'est vous qui vous êtes servi d'elle comme couverture et pas l'inverse. J'ai tout compris quand j'ai vu votre petite collection de souvenirs. Des galets ramassés sur la plage d'un archipel suédois lors de réunions secrètes entre des gens qui n'auraient pas dû se trouver là. La première fois que j'ai vu Louise, je me suis dit que son sourire devait cacher quelque chose, un secret. Parce que je vis dans un monde amer et cynique, et toujours plus amer et toujours plus cynique, et que je ne peux plus croire qu'un sourire cache seulement un sourire. Mais la vérité, à Cannes, c'est que son sourire n'était rien d'autre que ce qu'il était. Un vrai beau sourire. Vous êtes venu jusqu'ici pour me parler du sourire de ma femme ? Depuis le début, j'avais l'impression que quelque chose clochait, comme si je regardais en l'air alors que j'aurais dû regarder mes pieds. Je suis tombé dans tous les pièges que vous m'avez tendus, jusqu'à ce que je regarde autour de moi, que j'écoute enfin. À Cannes, c'était vous le troll caché dans l'ombre pour accuser les autres de vos méfaits ? Quoi ? C'est moi l'agent russe maintenant ? J'ai pas dit ça. Pendant toutes ces années, tout le monde cherchait un espion russe. Alors que vous et moi savons ce qu'il fallait chercher. Un agent américain. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Personne ne croira jamais à ça. Non, bien sûr. La menace vient toujours de l'Est, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on nous a répété en boucle toute notre vie et nous en sommes tous persuadés, programmés depuis notre naissance, sans y avoir vraiment réfléchi. Personne ne pourrait imaginer une seule seconde qu'on trahisse la Suède pour les États-Unis. Personne ne serait prêt à admettre une absurdité pareille. Vous avez joué votre rôle à la perfection, en vous faisant mal voir de vos collègues de la marine, à crier au scandale sur la disparition d'un soi-disant sous-marin russe. Vous ne vouliez qu'une chose, attirer l'attention ailleurs. Faire croire que rien n'était plus important que d'épingler ce sous-marin soviétique. Alors que vous saviez parfaitement qu'à l'automne 1982, c'était des sous-marins de l'OTAN qui circulaient dans le sein des seins de nos eaux territoriales. Vous avez manipulé tout le monde. Votre hiérarchie, vos amis, votre femme, vos enfants, ma famille. Je dois dire que votre ami Atkins s'est comporté exactement comme je l'aurais imaginé de la part d'un officier de la CIA. Vous l'avez impressionné favorablement, c'est ce qu'il m'a dit. Et il vous a dit aussi que Louise devait mourir, ou c'est une décision que vos amis de la CIA ont prise seuls ? Vous avez demandé à Atkins d'aller récupérer votre carnet chez Signe, et lorsqu'il a croisé Louise là-bas, il a compris que l'étau se resserrait et qu'il fallait la faire disparaître. Vous connaissiez le prix à payer et vous ne pouviez rien faire pour les en empêcher. Comment allez-vous expliquer ça à votre fils ? Il n'a jamais été question qu'elle meure. Je devais juste partir. Je suppose que votre arrivée aura changé le cours des choses. Et c'est drôle, car finalement c'est moi qui vous ai amené jusqu'à moi. Quand elle est morte, j'ai failli en finir. C'est la pensée de ma petite fille qui m'a retenu. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, hein ? Steve ! Le Lacan que je connaissais était pacifiste, critique envers tous, même les États-Unis. Tu m'avais dit un jour qu'ils étaient le seul pays du monde à avoir utilisé l'arme nucléaire contre un autre pays, contre des civils. Sten, je t'en prie, baisse ton arme, qu'est-ce que tu fais ? Et toi ? Tu me racontais que Louise était une espionne. J'ai menti. Pourquoi tu m'as menti ? Est-ce que quelqu'un peut me dire la vérité ou c'est trop demandé ? Je devais savoir si tu étais au courant de quelque chose. Certaines réactions ne trompent pas. Je devais savoir si tu étais sincère ou non. Tu crois qu'on ne m'a pas menti à moi ? Ce cabanon a été choisi depuis longtemps comme lieu de repli. Cabanon que Akan connaissait depuis que le père d'Iskil Lundberg vous avait réclamé de l'argent pour son ponton détruit et ses filets arrachés. Argent que vous, à Cannes, vous faisiez verser aux pêcheurs par la CIA, avec une marge généreuse, pour qu'ils ne dévoilent jamais que les Américains avaient échoué à fixer le système d'écoute sur le câble sous-marin russe dans la Baltique. À Cannes, je suppose qu'un bateau serait passé te prendre s'il était devenu nécessaire de se faire évacuer. Alors c'était là, sur ces plages, sur ces îles où on a navigué tant de fois que tu rencontrais Atkins pour trahir ton pays. Ensuite, la CIA a loué l'appartement à Copenhague pour ne pas attirer l'attention quand vous avez pris votre retraite de l'armée. Mais j'étais là ce jour-là. Comment ils s'y sont pris à Cannes ? Comment les Américains ont réussi à faire passer l'ordre de laisser filer leurs sous-marins dans le détroit ? À Cannes, qui avait donné cet ordre ? Qui était la super taupe ? De Dieu. n'y a jamais eu d'ordre. Hein. C'est ça. Quand tu as décroché ce téléphone, tu n'avais personne au bout du fil, n'est-ce pas? Cette décision, c'est toi qui l'as prise. Tu as hoché la tête en silence et tu as fait arrêter toute l'opération. Mais comment ça a pu arriver? C'était il y a si longtemps. J'ai été contacté par les Américains dès le début des années 60. Je pensais déjà que nous ne pourrions jamais nous défendre seuls, sans l'OTAN, c'est-à-dire, en définitive, sans les États-Unis. Nous étions perdus d'avance. J'ai vite été convaincu de l'importance de leur donner accès aux informations qu'ils jugeraient nécessaires. Tu te souviens de ce qu'était le monde à cette époque, Sten? Les jeunes, les naïfs, gauchistes et romantiques, consacraient toute leur énergie à combattre la guerre au Vietnam. Moi, j'étais convaincu que l'aide des Américains nous serait indispensable pour résister. Le jour où ça barderait en Europe. Je suis entré là-dedans, en toute connaissance de cause. J'ai fait tout ça pour mon pays, le monde, la liberté. De la pure idéologie. Et ça l'est encore. Les principes restent valables. Sans les États-Unis, le monde sera livré à des forces qui n'ont qu'une idée en tête, ravir à l'Europe tout son pouvoir. Vous êtes complètement fou. C'est vous qui êtes fou de ne pas ouvrir les yeux. Quelles sont les ambitions de la Chine, à votre avis? Que feront les Russes le jour où ils auront réglé leurs problèmes internes? Tu me répugnes. Quelqu'un veut une bière? Nom de Dieu! Akan, baissez votre arme. Sten, que tout le monde baisse son arme. Akan! Il s'est tiré une balle dans la tête. Il s'est tiré une balle dans la tête. Il est encore en vie, la balle est ressortie par la joue. Sten, écoute-moi, il faut que tu me ramènes tout ce que tu peux, des torchons, des serviettes, tout ce que tu trouves. Voilà. Attends. Saloperie de réseau. Putain. Voilà. Maintenant, tu appuies fort ici, je vais chercher du secours. Quoi? On n'a pas le choix. Il perd tout son sang. Tu dois appuyer fort, Sten, tu m'entends? Sten? Sten? Oh, Sten. Quel con! Quel con! C'est donc avec la plus grande fierté que je vous remets votre arme et votre plaque. Bravo. Bon retour chez nous, commissaire Wallander. Merci. Merci. Bon retour. Je ne sais pas si les retours existent vraiment. Est-ce que vous croyez qu'on peut revenir? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre soutien pendant cette affaire, qui nous a touchés de plein fouet, moi et ma famille. Si Linda n'avait pas dû déménager pour fuir tous ces journalistes, elle m'aurait engueulé et elle vous aurait remercié mieux que moi. Comme vous le savez, les corps de Håkan von Hencke et Sten Nordlander ont été retrouvés par un pêcheur du nom d'Eskil Lundberg, et nous n'en saurons pas plus. Le monde est rempli de gens qui mentent et de gens qui croient. Et croyez-moi, ce sont eux qui souffrent, plus que les autres. Mais peut-être que les zones d'ombre, si glaçantes soient-elles, si terrifiantes, peut-être que les zones d'ombre sont la seule solution acceptable. Parfois, on se réveille au milieu de l'océan glacial et sombre, avec pour seule lumière un phare lointain et... on ne sait plus vraiment ce qu'il nous reste à faire ou à vivre. On a oublié les choses qui nous font vivre. Et seuls des gars comme Martinson ont le courage de se tirer de là avant que ça leur arrive. Alors je lève mon verre à la santé des gens comme toi, Martinson. Tu vas nous manquer. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Allez, venez vous servir. Bravo. Bon retour. Bonjour. Combien de temps encore avant d'être expédié définitivement dans le vide, ce nouvel univers qui a pour nom Alzheimer. Cette nuit-là, en effaçant mes traces sur l'île, en abandonnant la voiture de Sten en rase campagne, après avoir essuyé le volant, les sièges, le levier de vitesse de la vieille Dodge avec sa ceinture qui n'existait pas, en attendant le train dans le noir, cachant sous ma veste le vieux fusil de mon père, j'avais acquis le sentiment que tout ça n'était pas grave. Certains endroits n'étaient pas faits pour qu'on y revienne, tout comme certains souvenirs n'étaient pas faits pour qu'on les revive. Itterberg fut appelé, et dans la mesure où l'affaire concernait aussi la sûreté et les services de renseignement de l'armée, le couvercle fut apposé aussitôt, comme prévu. Louise, Akan, Sten et Signe retombèrent lentement dans l'oubli. Était-ce Akan lui-même qui avait eu l'idée de se servir de moi, ou est-ce que ce soir-là, le hasard, la cigarette de ma fille, la fatigue d'un vieil homme, est-ce que tout ça avait décidé à notre place ? C'était « L'homme inquiet » de Henning Mankell. Traduction, Anna Gibson. Adaptation, Claire Leluerne. Dixième et dernier épisode. Avec Vincent Schmitt, Kurt Wallander, Laurent Cléry, le commissaire Lennart Mattsson, Philippe Lodenbach, Hakan von Enke, Jean-Pierre Calfon, Sten Nordlander, Swann de Marsan, le loueur de bateau. Et Ange Amiel, Jan Sundberg, Mathias Simon, Claire Boquet, Othello Vilgar, Marina Moncade. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Manon Houssin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand. L'homme inquiet de Henning Mankell est publié aux éditions du Seuil.